Deux annonces pour commencer. D'abord, nous avons la visite aujourd'hui d'une invitée qui est ici présente. Voilà. Bonjour à tous. Françoise Paquin-Segui, qui est professeure des universités à Sciences Po Lyon, qui travaille notamment sur la question des usages numériques, sur l'évolution aussi du numérique. Elle a travaillé depuis vraiment les tout débuts du développement des plateformes numériques, y compris Minitel, etc., jusqu'aux plateformes beaucoup plus raffinées, collaboratives, etc., actuelles. Et donc, elle s'intéresse notamment par rapport à la dimension identitaire dont on parle aujourd'hui, à toutes ces questions d'appropriation, ou du moins de rapport aux plateformes que les usagers développent et qui potentiellement font en sorte qu'ils développent aussi des façons de se présenter, de se représenter différentes. Donc, Madame Paquin-Segui nous fait l'honneur d'être avec nous pendant ces deux heures. En fait, je l'ai conviée à. Donc, elle est à Bruxelles cette semaine pour plusieurs présentations dans différentes universités. Et elle participera donc, en fait, à la discussion qu'on aura. Discussion, en fait, qui va être un peu au fil du cours, notamment à partir des textes que vous avez à lire pour aujourd'hui. Donc, le texte de Dominique Cardon et celui de Alexandre Coutan et Thomas Menger. Deuxième annonce, plus pratico-pratique et logistique cette fois-ci. Comme vous le saviez, il y avait un conflit d'horaire avec les exercices du mercredi après-midi qui étaient superposés ou qui chevauchaient certains cours comme la DALIEX, je crois. Donc, on a réussi à déplacer ces exercices-là qui auront lieu le mercredi, mais de 5h à 7h. Donc, on va modifier le plan du cours, en fait, pour pas qu'il y ait de chevauchement avec notamment une séance du cours de méthode de recherche qui a lieu le 19 avril pendant cette journée-là. Donc, on va vous envoyer un message sur le forum pour vous indiquer quand le plan du cours à jour sera en ligne. D'accord ? S'il y a encore, pour certains, des problèmes de conflit horaire, chevauchement, etc., à ce moment-là, écrivez à Arnaud, si vous brillez, pour les signaler, afin qu'on voit un peu les cas particuliers au-delà de ceux qu'on avait signalés. Ça va ? Oui, c'est toutes les semaines ? Non, c'est pas toutes les semaines. Non. C'est certaines semaines en particulier, en fait, il y a des exercices, et la classe sera scindée en deux. Donc, c'est pas non plus toute la classe qui a cours à chaque fois. D'accord ? Donc, mais tout ça, on va l'indiquer, en fait, les compositions des groupes, et horaire sur le calendrier à jour. Oui. Ça commence mercredi 22 ou... Oui, oui. Oui. Donc, c'est pour ça que vous allez avoir le message à jour d'ici, certainement ce soir, en fait. On va refaire le calendrier à partir des confirmations des salles, des locaux qu'on vous a indiqués. Oui. Est-ce que c'est obligatoire les 5 fois, c'est 5 fois, c'est... Il y a 6 séances d'exercice. Comme la classe est scindée en deux, il y a en fait 3 séances d'exercice. Chacun des groupes de 2 heures. D'accord ? Donc la présence, par contre, à cet exercice-là est obligatoire. On fait des analyses de cas à partir de la mobilisation de théories ou d'auteurs qu'on a vu en cours. Et ça compte, donc c'est évalué. Et ça compte, votre présence est évaluée, votre participation. Et ça compte donc également pour vous préparer à l'examen final. D'accord ? Qui comporte, entre autres, cette dimension d'analyse critique d'une situation de communication en regard des théories qu'on a vues en place. Voilà. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'était un peu dans la continuité de ce qu'on a fait à la séance précédente, de s'interroger sur la présentation de soi en ligne et donc sur les processus de construction identitaire qui sont spécifiques au numérique. J'ai mis dans les diapositives qui sont en ligne aussi déjà sur l'UV, un petit lien vers une vidéo qui malheureusement ne fonctionne pas ici, mais que vous pouvez aller regarder, c'est une vidéo de moins de 2 minutes qui illustre en fait la pensée de McLuhan dont on a parlé la semaine dernière à propos de ce fameux message clé que c'est le médium qui est le message, avec, vous vous rappelez, la confusion sur le titre de médium de message ou massage. Donc, vous avez une illustration ici, rapide, qui peut compléter, en fait, les données que je vous avais passées, en fait, la semaine dernière,

badge du meilleur commentateur de la semaine. Parenthèse, on est dans des procédures de management qu'on connaît très bien, mais qui étaient appliquées à l'entreprise avec la carotte roux, voilà, comme par hasard, et qui n'est pas du tout, et qui là, qui est basculé dans le social. Et donc, comme certains sont convaincus que leur notoriété ou leur visibilité sociale s'étoffera à avoir ces badges, ces étoiles, ces labels, ce nombre de vues, etc., ils vont continuer à alimenter de plus en plus et la preuve en est aujourd'hui les youtubeurs dont c'est le métier. Le système est stable. Il s'est professionnalisé, on a appris. Donc on a appris une certaine stabilité. Alors la compétition, bon, moi j'habite à Grenoble dans les Alpes, mais j'ai longtemps travaillé à Paris pendant une dizaine d'années pour mes travaux de recherche, j'ai souvent des séminaires à Paris. Et donc, quand je suis arrivée ici la semaine dernière, bien sûr, j'ai pris le métro en allant à la gare, et bien sûr, j'ai pris un escalator. J'ai d'abord pris un panne, mais après, c'est ici. Et la première chose que j'ai pensée, c'est que les gens qui m'ont partagé avec moi sont très indisciplinés parce qu'ils n'étaient pas sur la file de droite. C'était plutôt à droite, à gauche, au milieu, ils occupaient l'escalier. Et puis je me suis mise à essayer de courir pour arriver plus vite en bas de l'escalier, pour pouvoir arriver plus vite. Et puis au bout de deux ou trois occurrences de cette situation, je me suis dit, tiens, ici, gros. Pas dans l'escalier. Je me dis, tu en profites et tu vas courir toi aussi. Mais je pense qu'à Paris, il y a des gens qui courent parce que les autres courent. Parce que tu vois, moi, je cours à Paris, alors que je ne suis pas si pressée que ça, et que les métros sont suffisamment fréquents pour que je puisse en rater un sans être en retard. Donc, vous voyez, il y a un entraînement social. Ici, je ne cours plus. Et si je reviens à Paris après demain, je vais courir, c'est sûr. Mais si je reviens à Bruxelles, je ne courrai pas. Donc, il y a vraiment des compétitions qui se nichent partout, partout, partout. D'être le premier alors que ça ne sert à rien. Hein. Donc, j'adore. Je dis à ces messieurs de la première classe, vous savez, il décollera pas de descendre. Tout ça, si à part, mais c'est tout ce que vous avez gagné. Les platiniums du Thalys aussi, au niveau de la sociologie, façon. Mais on est dans des micro-compétitions et puis dans des compétitions où on vous dit que si vous n'êtes pas le premier, vous n'aurez pas de chance. C'est tout. Si vous n'avez pas le salaire, vous n'achèterez pas la maison. Si vous n'avez pas satisfait à des conditions, alors vous faites partie des gens. Donc il faut aussi se méfier et de temps en temps savoir à l'occasion de plus courir. S'il y en a qui ont des questions, je vais bien leur répondre pendant la pause, pendant que les autres font la pause, sinon tout meurt. On a pris tout le monde. On va faire une pause de 10 minutes. Et moi, c'est la pause. On coupe pas, mais on va être là disponible. Environnement social. Comme on a la présence de Madame Agnès qui est avec nous aujourd'hui, en fait, je dis pour que peut-être soit là, donc il y a certaines diapositives que je vais garder en fait, pour la semaine prochaine. Je vais plutôt mettre l'accent sur plusieurs d'entre elles. Donc, ici, j'avais prévu de faire un retour sur le lien entre communication interpersonnelle et la prise de parole. Ainsi que ensuite tout ce qui est tout autour de la participation au débat, la capacité à exercer un certain pouvoir, une certaine influence à partir d'Habermas. Mais je crois qu'Habermas n'avait pas nécessairement eu des cours spécifiques sur lui. Si, vous avez déjà travaillé pas mal avec lui. Ok, bon. Je vais garder cette diapositive-là alors pour y revenir brièvement ou de façon en mettant peut-être une ressource en ligne complémentaire pour ceux qui sont moins familiers avec cet auteur. En fait, dans cette deuxième partie du cours, je voulais qu'on s'attarde peut-être plus sur le deuxième texte que vous aviez à lire, qui est donc un texte de Gilles Cardon sur cette notion de parler public, privé-public, donc de vraiment alterner en fait ces

finalement, on est sorti, on a pu arriver. Donc, c'est sans technique, finalement, sur cette technique. Donc, c'est ça, en fait, le coup du rasoir, c'est que les industriels sont du côté du déterminisme technique. Nous, nous sommes forcément du côté du déterminisme social, ou du moins, le croyons-nous, mais non, on est à l'interstice. Il est quasiment l'heure. Donc, je vous propose de finir sur cette grande présentation. Merci. Merci. Merci.